Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'école d'ingénieurs de Purpan. Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'émission Agro J'écoute. Nous sommes au studio de Campus FM. Nous sommes deux étudiants et une étudiante de l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse en 5e année en parcours agroécologie. Moi c'est Raphaël et je suis avec Lucie et Alex. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'une transition aussi prometteuse que fragile. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion au cœur d'une terre qui se régénère et d'un monde agricole qui cherche son équilibre entre écologie, économie et humanité. Aujourd'hui, nous allons parler agriculture biologique de conservation des sols. Mais dis-moi Alex, c'est quoi l'agriculture biologique de conservation des sols ? L'agriculture biologique de conservation des sols, ou ABC, combine l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation des sols. En tenant compte du cahier des charges de l'agriculture biologique, l'agriculture biologique de conservation des sols y ajoute une dimension de préservation des sols. Autrement dit, limiter l'impact de l'agriculture sur les sols. Plus qu'une simple addition de deux pratiques, l'agriculture biologique de conservation des sols prône une agroécologie forte et ambitieuse. Pour expliquer l'agriculture biologique de conservation des sols, le plus simple est de comparer le sol à un corps humain, même si de prime abord, ça peut paraître un peu intriguant. Pendant longtemps, on a labouré les sols comme si on les opérait tous les ans. On ouvre, on expose aux intempéries, on laisse des séquelles. En parallèle, on lui retire son alimentation qu'on exporte ailleurs, et le résultat, c'est que le sol s'affaiblit. Donc en gros, il perd ses défenses immunitaires et il devient malade ? C'est ça, il perd sa capacité à produire sans qu'on ne le perfuse. Avec l'agriculture biologique de conservation des sols, on protège la peau du sol avec des plantes, comme une sorte de crème solaire naturelle. Et en plus de semer des couverts végétaux, on évite d'ouvrir le ventre de la terre en supprimant le labour et en limitant les interventions mécaniques. Tu nous as dit que l'alimentation du sol était exportée. Est-ce que tu es en train de nous dire que nos sols sont en état de malnutrition ? Effectivement. On parle d'appauvrissement des sols, mais la comparaison est la même. Pour améliorer son état de santé, il faut avoir une alimentation riche et variée, par exemple en diversifiant les cultures. En bref, l'agriculture biologique de conservation des sols, c'est une agriculture qui se met au rythme du vivant et qui préfère prévenir que guérir. On pourrait aller plus loin en parlant des difficultés techniques, comme la gestion des mauvaises herbes, la sélection variétale des cultures ou encore des innovations pionnières dans ce modèle. Mais notre but aujourd'hui, c'est d'arpenter d'autres chemins. On explore les dimensions psychosociales et financières de ce mode d'agriculture. Aujourd'hui, Lucie, on t'écoute. Les premiers exposés au dilemme d'une transition vers l'agriculture biologique de conservation des sols, ce sont bien évidemment les agriculteurs et les agricultrices. Le passage à l'agriculture biologique de conservation des sols, c'est un changement. Et tout changement bouscule. Certaines pratiques sont plus que des simples gestes. Elles sont chargées de sens, d'histoire et parfois même d'identité. Mais attends, qu'est-ce que tu entends exactement par identité ? Quand je parle d'identité, je parle de remettre en question ses pratiques agricoles. C'est comme toucher à une part de soi, à une manière de faire comme on a toujours fait. C'est pourquoi cette transition, elle peut être vécue comme un véritable changement de paradigme, qui suscite appréhension, peur et doute. Mais ça semble plus que psychosocial tout ça. Est-ce qu'on pourrait parler d'un aspect culturel ? Oui, on peut parler d'un aspect culturel. Ça renvoie en fait à la difficulté d'abandonner des repères profondément ancrés, mais aussi à la peur de l'échec ou du jugement. S'y ajoute le poids social, adopter des pratiques différentes, c'est aussi risquer de se sentir isolé, incompris, voire jugé par ses pairs. Changer, c'est donc autant une aventure technique qu'un défi humain. Cette aventure et ce défi, Philippe Nouvelon, ancien agriculteur éleveur dans la vallée du Tarn, pionnier de l'agriculture biologique de conservation des sols et membre de l'association Les Décompactés de l'ABC, va nous en partager son expérience. L'innovation, ça oblige à être sûr de soi, à être très bien formé, et donc il faut assumer beaucoup de choses qui sont difficiles pour des agriculteurs qui sont déjà fragilisés. Le travail en groupe disparaît de plus en plus hein, dans les campagnes. Les cumas disparaissent ou se mettent en veille. Les GAEC entre tiers sont de moins en moins nombreux. Et donc, il manque des lieux pour échanger, pour innover. La bio a toujours été marginalisée hein, par les syndicats et les coopératives agricoles conventionnelles. Donc, c'est encore un frein à dépasser pour se démarquer. Et la recherche, enfin, est en retard sur l'élaboration de systèmes fiables dans ce domaine qui pourraient conforter le désir des agriculteurs de vraiment innover. C'était le témoignage de Philippe Nouvelon. Nous sommes toujours sur Campus FM pour l'émission AgroJécoute. On a parlé psychosocial, parlons économie. Oui Alex, quand on parle d'agriculture biologique de conservation des sols, il y a un frein dont on parle peu. C'est la réalité économique des agricultrices, et des agriculteurs. Selon un baromètre IFOP récent, 4 agriculteurs sur 10 estiment que leur situation financière est mauvaise. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà en difficulté avant même de penser au changement de pratique ? Exactement. Et aujourd'hui, le taux d'endettement moyen tourne autour de 42%. Autant te dire que la plupart, ils n'ont pas vraiment de marge pour encaisser des années d'essais-erreurs. Mais pourtant, on entend souvent que beaucoup aimeraient changer, non ? Oui, et c'est ça qui est fou. Quand on regarde les chiffres du Shift Project, 87% d'entre eux disent vouloir engager ou accélérer leur transition vers des pratiques plus durables. Donc en gros, la motivation elle est là, mais les moyens ils ne suivent pas. Exactement. Le problème c'est que l'agriculture biologique de conservation des sols, elle demande du matériel spécifique, du temps et souvent des baisses de rendement au début. Donc sécuriser les premières années, c'est vraiment l'essentiel. Et concrètement, ça représente quoi cette phase risquée ? Mais justement, pour comprendre ce que ça représente concrètement, on va échanger avec un expert de ces sujets qu'on vous présente dans quelques minutes. En résumé, on a vu que l'agriculture biologique de conservation des sols, c'est une agriculture qui prend soin du vivant. Mais changer, ce n'est jamais simple. Entre les défis techniques, le poids des habitudes, le regard des pairs et la fragilité économique de beaucoup d'exploitations, la marge peut paraître un peu haute. On vous propose un court instant sonore dans la nature, puis on part ensemble explorer les leviers potentiels. On est toujours sur Campus FM pour l'émission AgroJécoute. On vient de parler de l'agriculture biologique de conservation des sols, notamment des aspects psychosociaux et économiques. On va maintenant discuter de quelques propositions. Notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Bernard. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome et docteur en économie de formation, expert en économie à l'agence de l'eau Adour-Garonne dans la direction planification, évaluation, programme, perspective, études et recherche, prospective, qui intervient en soutien des politiques de l'agence. Avec vous, on va essayer de comprendre comment lever quelques freins de l'agriculture biologique de conservation des sols. Est-ce que vous pourriez commencer par nous dire, en quelques mots, ce qui vous a amené à travailler sur ces questions, Frédéric ? Alors, ce qui m'amène à travailler sur ces questions, c'est effectivement mon appartenance à l'Agence de l'eau, puisque finalement, l'Agence de l'eau, elle a pour mission de gérer, de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques. Et il faut savoir que l'agriculture a un poids très important sur ces enjeux-là, puisque 50% du territoire du bassin est couvert par des terres agricoles, et l'agriculture impacte la qualité des ressources en eau et également la santé des milieux aquatiques. On a vu effectivement que les nitrates et les pesticides dégradent encore aujourd'hui 40% des masses d'eau superficielles et souterraines sur le bassin Adour-Garonne. Et donc effectivement, c'est un enjeu pour nous que de devoir accompagner les mutations des agriculteurs vers des systèmes plus performants et plus respectueux des milieux, dont l'agroécologie, puisque finalement, moi je vais vous parler peut-être plus largement d'agroécologie que d'agriculture de conservation des sols, qui, on va dire, est un système un peu poussé, très, très ambitieux au sein des pratiques agroécologiques. Et comment vous faites pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices à changer leurs pratiques à l'Agence de l'eau ? Alors, il y a beaucoup d'axes qui sont mis en place. Il y a, par rapport à tout ce qu'on a déjà entendu, que vous avez présenté, que Philippe Nouvelon a également indiqué, il y a tout d'abord un axe financier. Effectivement, nous accompagnons des projets d'agriculteurs qui souhaitent transitionner vers des pratiques agroécologiques. Donc on reviendra peut-être sur ces aspects de financement. Il y a également toute une partie sur l'innovation qui a été mentionnée par Philippe Nouvelon. Nous accompagnons des projets de recherche avec des parties prenantes sur le territoire et même national de la recherche telle qu'INRAE sur l'évaluation en fait des pratiques agroécologiques, que ce soit sur des aspects techniques, agronomiques et économiques. Donc on a actuellement un programme qui s'appelle Baguera qui fait suite à un autre programme de recherche qu'on avait lancé précédemment qui s'appelait Bagage. Voilà. Donc ces programmes, ils ont vraiment pour objectif d'apporter des connaissances via la recherche sur les pratiques agroécologiques. Et d'ailleurs, il y a un volet sur l'agriculture de, biologique de conservation des sols parmi les autres pratiques agroécologiques. Donc ça, c'est la partie, on va dire, innovation. Ensuite, il y a une partie qui est très importante, c'est sur l'accompagnement. L'accompagnement technique, l'accompagnement agroéconomique, enfin agronomique, pardon. Puisque c'est très technique, en fait, de passer sur des, vous l'avez mentionné, hein, sur des pratiques agroécologiques. Et donc, il est très important de pouvoir se rapprocher de collectifs, se rapprocher, enfin, avoir des retours d'expérience de d'autres précurseurs, je vais dire, sur ces pratiques-là, et de pouvoir capitaliser, en fait, sur toutes ces pratiques. Donc, ce que l'on a vu, nous, à l'agence, c'est qu'il faut aussi financer de l'accompagnement d'agriculteurs, et il faut également financer de la formation pour ces accompagnants qui soient du coup bien au fait des recommandations à proposer aux agriculteurs pour pouvoir transiter vers ces pratiques-là. Merci. Beaucoup parlent d'un besoin de filet de sécurité pour les premières années. À quoi ça pourrait ressembler ? Alors effectivement, le pari de l'agroécologie, c'est d'être plus résilient sur le long terme. Mais ça implique effectivement sur le court terme des contraintes et des difficultés qui peuvent se traduire par une prise de risque accrue pour les agriculteurs, des pertes de rendement potentielles, du fait aussi d'une moins bonne maîtrise technique et agronomique, parce qu'on part sur des pratiques nouvelles. On peut effectivement avoir des difficultés à ce moment-là. Donc il est très important de sécuriser les agriculteurs sur cette phase transitoire qui peut être difficile en fait à assumer seul par les agriculteurs, qui sont, comme vous l'avez déjà mentionné, à très juste titre, ils ont peu de marge de manœuvre économique et financière, ils sont souvent endettés, ils sont, on va dire, emprisonnés dans un système, puisqu'ils ont investi dans un système, et donc le fait, effectivement, de passer sur un autre système, ça implique, effectivement, de nombreux changements et une prise de risque. Donc, votre question, c'était comment on peut accompagner cette transition ? Alors, on y réfléchit à l'Agence de l'eau dans le cadre d'un grand programme que l'on a, qui s'appelle le Pacte de transition vers l'agroécologie, qui est un programme qui rassemble de nombreux acteurs du territoire. On a notamment les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, l'État, les chambres régionales d'agriculture, les coopérations agricoles et l'Agence de l'eau. Et l'idée, c'est on a un groupe de travail qui est dédié à la mutualisation du risque de transition agricole. Et justement, l'idée, c'est de savoir quel système. Alors là, on est plutôt sur l'aspect financier, mais il y a tous les aspects aussi, autre accompagnement technique. Hein. Sur l'aspect financier, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour sécuriser cette partie-là ? Alors, on voit globalement des solutions telles que des solutions assurantielles qui pourraient être mises en place. Il y a des solutions également de type fonds de mutualisation. Des fois, on entend le terme de fonds de péréquation, qui sont des fonds qui pourraient être débloqués en cas de perte de rendement ou enfin de perte de revenus en fait d'acteurs en transition. Il y a également des pistes autour d'un fonds qui existe, le fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, qui est déjà un fonds existant en fait au niveau national, qui pourrait peut-être être mobilisé pour sécuriser ces pratiques de transition. Et vous avez parlé de résilience. Nous, on a pu observer aussi, sous un autre mot peut-être, c'est un peu plus la robustesse de ces modèles-là. Mais est-ce que dans vos travaux, vous voyez des modèles économiques ou des filières où l'agriculture biologique de conservation des sols, elle est déjà viable ? L'agriculture biologique de conservation des sols, c'est quelque chose de très innovant. Hein. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du récent rapport du ministère de l'Agriculture qui date du 3 novembre, qui disait qu'effectivement, l'agriculture biologique de conservation des sols n'avait pas de réalité actuelle, de viabilité économique à l'heure actuelle. Et que pour qu'il en ait, il faudrait faire beaucoup de progrès techniques parce qu'aujourd'hui, c'était trop contraignant effectivement, de combiner l'exigence de la conservation des sols et de l'agriculture bio. Logique. Donc, il faut effectivement encore, je pense, progresser sur ces deux axes, hein, agriculture biologique et agriculture de conservation des sols, pour pouvoir avoir pour pouvoir développer des systèmes viables en agriculture biologique de conservation des sols. Comment ça pourrait se traduire cet accompagnement ? Enfin, pas vraiment l'accompagnement, mais finalement, vous parliez des outils techniques. À qui ça revient finalement ces outils techniques ? Qu'est-ce qui devrait mettre la première pièce sur la table pour contribuer à l'agriculture biologique de conservation des sols ? Alors, il y a de nombreux acteurs sur la partie technique qui accompagnent déjà les agriculteurs. Ben, il y a tout ce qui est institut technique, il y a tout ce qui est chambre d'agriculture. Monsieur Nouvelon parlait tout à l'heure des CUMA. Voilà, donc tous ces acteurs-là qui font partie déjà de l'écosystème des agriculteurs, c'est ceux-là, en fait, qui sont le plus à même, en fait, finalement, d'accompagner techniquement ces mutations. Mais on peut aussi remonter un petit peu en amont, c'est-à-dire aller agir au niveau déjà de l'enseignement agricole. Et nous, avec l'agence, on travaille pas mal sur cette question de l'enseignement agricole, puisque finalement, c'est dès l'enseignement qu'on va pouvoir sensibiliser des agriculteurs à ces nouvelles pratiques et puis les former sur ces nouvelles pratiques. Voilà. Donc, c'est vraiment... il faut vraiment viser à plusieurs niveaux pour pouvoir... quelque part, hein, l'objectif, c'est de massifier un petit peu toutes ces pratiques agroécologiques. Alors, sur un autre volet, au tout début, à notre première question, vous avez parlé de la qualité de l'eau et, si je peux dire, de la viabilité de l'eau pour le reste de la biodiversité, en dehors des êtres humains, quoi. Est-ce que l'agriculture biologique de conservation des sols ou tout ce qui est en lien avec la transition agroécologique, vous voyez déjà une amélioration de la qualité de l'eau quand ce genre de pratiques sont utilisées ? Alors oui, clairement, les pratiques agroécologiques ont un effet très favorable sur la qualité et la quantité d'eau. Alors, pourquoi ? La qualité, parce que finalement, on va réduire l'apport d'intrants phytosanitaires. Donc ça, c'est intéressant d'un point de vue économique aussi pour les agriculteurs, parce qu'ils réduisent leurs charges. Mais d'un point de vue environnemental, effectivement, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de masses d'eau, beaucoup de cours d'eau qui sont en fait dégradés par les pesticides, par les nitrates. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quelque part, pour traiter l'eau pour qu'elle soit potable, hein, il va falloir mettre en place des traitements qui sont coûteux. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'intervenir en amont, d'essayer d'éviter justement cette pollution des eaux. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, il y a un effet très important, c'est de réduire finalement le ruissellement de l'eau, de réduire aussi l'érosion des sols. Donc ça permet de conserver davantage le capital sol pour l'agriculteur et donc finalement d'avoir une meilleure rétention de l'eau dans le sol, ce qui bénéficie aux cultures et ce qui limite les problèmes effectivement d'inondation, de crues. Voilà. Et est-ce qu'il existe un paiement pour rémunérer des agriculteurs et agricultrices qui seraient dans la transition ? On parle de paiement pour services environnementaux, normalement. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce mode de paiement ? Alors oui, il y a pas mal de choses qui existent d'un point de vue financier pour accompagner les agriculteurs sur ces nouvelles pratiques. Alors, il y a effectivement des choses qui sont prévues dans le cadre de la PAC, il y a des choses qui sont également prévues, que par exemple l'Agence de l'eau peut financer. Donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est le financement par les MAEC ou Mesures agro-environnementales et climatiques. D'accord ? Donc ça, c'est censé compenser les surcoûts liés à la mise en œuvre de nouvelles pratiques. On a également les PSE, donc, que vous mentionnez, les paiements pour services environnementaux, qui là vont venir rémunérer un service que permet l'agriculteur par des nouvelles pratiques. On a également, en 2024, on a versé 90 millions d'euros pour réduire les pollutions diffuses issus en fait des produits phytosanitaires, donc en finançant des projets notamment. Et puis après, il y a l'accompagnement de l'agriculture biologique, hein, donc ce qu'on appelle le maintien de l'agriculture biologique, voilà. On a également des accompagnements pour structurer les filières agricoles à bas niveau d'impact. Voilà. Donc, globalement, l'ensemble en fait, des leviers financiers que l'on peut activer pour accompagner les agriculteurs. Je n'ai pas mentionné, mais il y a également de l'investissement matériel que l'on peut financer. Voilà. Et vous avez parlé de pollution des eaux, etc. Et avec le changement climatique, on voit qu'il y a des aléas de plus en plus fréquents, comme les sécheresses, par exemple, et les inondations. À quel point la transition agroécologique, et notamment l'agriculture biologique de conservation des sols, elle fait partie de la réponse ? Alors, c'est un point très important que vous mentionnez. Le changement climatique va particulièrement impacter le bassin Adour-Garonne, hein, puisque... ce qu'on a déjà pu constater, c'est que en 20 ans, le débit de la Garonne a déjà baissé de 25%. Et effectivement, si on ne change pas nos pratiques, on va avoir un déficit annuel qui sera en période sèche, hein, qui va passer de 250 millions de mètres cubes à 1,2 milliard de mètres cubes en 2050. Donc, c'est très important. Et c'est pour ça que il faut changer quelque chose, et notamment il faut qu'au niveau agricole il y ait des choses qui changent, puisque l'agriculture est le principal consommateur d'eau en période estivale. Donc l'agroécologie est complètement une solution, et c'est pour ça qu'on investit autant financièrement, mais aussi dans l'accompagnement, ce sujet-là, parce que ça nous semble être une solution, la solution la plus pertinente pour retenir davantage les eaux dans les sols, contribuer à l'activité biologique, et permettre également à l'agriculture de conserver son patrimoine sol. On a beaucoup parlé de l'amont, et au niveau de l'aval, le changement de pratique, il doit aussi s'appliquer à nous, j'imagine. Donc, c'est quoi notre rôle en tant que consommateur pour contribuer à l'essor de ces pratiques de transition agroécologique et notamment de l'agriculture biologique de conservation des sols ? Alors, c'est également une très bonne question. Alors, effectivement, on dit de plus en plus que il faut que la transition agroécologique, elle soit partagée de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Et donc, je viendrai sur les consommateurs plus tard, mais déjà sur toute la chaîne. Il y a des choses qui se mettent en place, par exemple, au niveau de tout ce qui est coopérative agricole, de tout ce qui est acteur agro-industriel. Il y a des initiatives qui se mettent en place, alors sur de l'accompagnement technique, sur des primes filières, pour encourager justement ces pratiques agroécologiques. Et finalement, quelque part, on en revient un petit peu à cette notion du risque, partager un petit peu le risque de transition avec certains. Donc ça, c'est très positif. Ce sont des initiatives à encourager. Et puis, bien sûr, au niveau du consommateur, il y a un peu cet acte citoyen, finalement, de consommation que l'on a déjà sur le bio, même si le secteur de l'agriculture biologique a un petit peu souffert ces derniers temps. Mais on est sur une reprise actuellement. Mais effectivement, il faut pouvoir aussi compter sur, les consommateurs dans leur acte de consommation. Et effectivement, il se pose parfois la question de labels sur ces sujets-là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'agriculture bio, hein, qui, grâce à son label, a quand même vu une belle croissance. Mais il va falloir peut-être inventer de nouvelles choses pour l'agroécologie plus largement. Si on se projette en 2035, à quelles conditions l'agriculture biologique de conservation des sols, est-ce que ça pourrait être une norme plutôt qu'une exception ? Alors 2035, c'est pas très loin. Hein. Oui, effectivement. Non, mais alors je vais parler plutôt d'agroécologie. Oui. Voilà, je vais plutôt recentrer là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, l'agriculture biologique de conservation des sols, c'est vraiment quelque chose de très poussé. Et aujourd'hui, il faut déjà qu'on acte vraiment cette transformation au niveau de l'agroécologie. Alors, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est une sécurisation, un développement et une sécurisation des débouchés. Ça aiderait beaucoup cette transition. Ensuite, on a parlé effectivement de la sécurisation de cette transition-là pour les agriculteurs. Ça, c'est quelque chose d'également très important. On a parlé également de la rémunération des agriculteurs. Est-ce que finalement, au-delà de la sécurisation qui peut être sur des événements un peu extrêmes ou, voilà, ou des événements ponctuels, il ne faut pas améliorer finalement la rémunération des agriculteurs dans cette période de transition? Est-ce que les PSE et les MAEC sont suffisants? Est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter des financements complémentaires comme par exemple des financements filières, hein, dont on parlait tout à l'heure, des primes? Et puis, on l'a beaucoup mentionné également, mais tout ce qui est accompagnement technique, formation, ça c'est très important. Et Philippe Nouvelon, dans son témoignage, a effectivement parlé de ce constat qu'il fait, en fait, hein, que le travail du collectif est un peu en train de se fait de plus en plus rare. Et du coup, peut-être essayer de remettre une certaine dynamique dans ces collectifs-là pour accompagner plus sur les territoires la transition. En mot de la fin, vous nous avez parlé de consommation responsable, mais est-ce que pour nos auditrices et nos auditeurs, vous avez un conseil pour qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour participer à cette transition? Oui, alors, je pense déjà qu'il faut effectivement déjà connaître ces systèmes-là. C'est déjà important, effectivement, d'avoir conscience qu'aujourd'hui, le modèle agricole conventionnel a des limites, a des impacts, et qu'il faut effectivement passer sur d'autres systèmes. Je pense que déjà, quand il y a une prise de conscience, ça permet effectivement de peut-être d'être plus attentif à d'autres produits qui sont à bas niveau d'impact, des produits qui sont avec des labels. Effectivement, il y a cette prise de conscience. Ensuite, effectivement, on peut s'engager dans des collectifs, par exemple, on en parlait, hein, qui vont promouvoir l'agroécologie. Et est-ce que vous avez une recommandation, lecture ou de podcast ou quoi que ce soit, ce qui vous vient en tête pour nous? Alors, il y a un rapport qui est assez intéressant sur ces aspects un petit peu économiques de la transition. Donc, il y a l'Institut de la Finance Durable qui, en mai là, de cette année, a produit un rapport assez intéressant qui parle du financement de la transition agroécologique. Donc, je vous conseille de le consulter pour en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Bernard pour ce riche échange. Merci à nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés. Merci à Philippe Nouvelon pour son témoignage. Et enfin, merci à Campus FM, à l'École d'ingénieurs de Purpan, à la commune de Toulouse et à la région Occitanie. C'était Lucie, Alex et Raphaël. À très vite sur AgroJécoute. FM.